Ève rêve d'Adam, il y a longtemps qu'elle attend. Croquer la pomme d'Adam, elle en rêve, elle en crève. Ève rêve d'Adam, tout en se baladant. C'est un désir latent, elle en rêve, elle en crève. Mais voilà, décadent, quel rêve est décadent. Bien dans son paradis, il est bien trop poli. Mais voilà, décadent, quel rêve est décadent. Bien dans son paradis, il est bien trop poli. Adam a rêvé d'Ève, trop longtemps qu'il endure. Son serpent bien trop dur, il en rêve, il en crève. Adam a rêvé d'Ève, bien sûr en tenue d'Ève. Son désir se soulève, il en rêve, il en crève. Mais quand Ève est venue, quand il voit Ève nue, sans une feuille de vigne, le voilà qu'il se signe. Mais quand Ève est venue, quand il voit Ève nue, sans une feuille de vigne, le voilà qu'il se signe. La cadence s'élève de l'avoir dévêtu. Voilà cadence s'élève, la vois-tu, sa haute vertu. Voyant que le bout de serpent, Ève appelle le serpent qui siffle en s'évadant. Fin du couple, Ève Adam. Ève rêvait d'Adam, maintenant qu'ils sont nus, ils se connaissent plus, ni d'Ève ni d'Adam. Ève rêvait d'Adam, maintenant qu'ils sont nus, ils se connaissent plus, ni d'Ève ni d'Adam. Mais voilà, décadent, quel rêve est décadent. Viens dans son paradis, il est bien trop poli. Mais quand Ève est venue, quand il voit Ève nue, sans une feuille de vigne, le voilà qu'il se signe. Ève rêvait d'Adam, maintenant qu'ils sont nus, ils se connaissent plus, ni d'Ève ni d'Adam.